Fidèle à toi, amour, qui suis ton enfant africain. Toi qui m'as éduqué pour être vaillant dans ce terrain où les êtres humains se défendent comme des chiens, où chaque personne connaisse pas la pitié, même dans la faim. La souffrance qu'on a subie, non, on l'oublie pas. Colonisé de nos terres, moi j'adhère pas. Notre richesse, ils nous l'ont pris en commençant par nos rubis, en sortant tous ces lois racistes. Pourquoi qui nous veulent pas dans ce pays, qui savent pas qu'un jour ils vont le payer. Notre indépendance a eu des comptes à régler face aux journalistes qu'on médiatisait. Trop de choses qu'on fait croire qu'on était dans l'incapacité de s'enrichir. Le tracard, chauffe le traquenard. Les trois quarts du temps les mains dans le trois quarts. On se transmet nos histoires de part en part, nos parts en part. Alors on traîne de part en part. Mais qu'est-ce qui reste de l'Afrique à part une carte? Y'a trop d'écart, faisons juste preuve de notoriété. C'est gens pas, what, prévient les autorités. Ça me scandalise, ils nous associent au vandalisme. On veut le pognon, les rognons et pas chez sans valise. Là-bas j'ai plus de classe en tant qu'en Barberie. Là-bas j'ai plus d'amour et une ambiance de famille. Des gens font tout pour te mettre bien, qui t'a laissé leur Africa, vie. Africa t'a combattu aux côtés des Français. Aujourd'hui vois comment est-on récompensé. Le diable blanc a fait couler ton sang pour tes gisements de pétrole et tes mines de diamant. Ta terre a complètement été dépouillée. Ils en parlent plus, disent que c'est de l'histoire oubliée. Pas question d'oublier ce terrible passé. Issu d'un peuple qui ne veut plus se plier. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Alors rembourser et demander pardon pour le bazar. C'est bizarre comme la France perd soudain la mémoire. Quand il s'agit de fric, d'Afrique et d'histoire. Au pays de Lucie, pays en sursis. C'est sursi, on fait rien, ben y'aura plus rien. À prendre, à vendre, donc il faut rendre. À la mère africaine, c'est l'aide de noblesse. Plus question de se plier, ni de supplier. Plus question de se retrouver, les mains liées. Oublier nos complexes, en France on mange. On s'arrange, on dérange, et à la fin on se mélange. Originaire de la terre mère, berceau de l'humanité. Afrique à toi, à qui on a masqué la vérité. Tous tes biens ont été arrachés par des colons sans répit. Haineux et acharnés, brûler toutes tes terres. Massacrer ton peuple, éventré à vif pour retracer tes frontières. Ils t'ont vidé de ton potentiel. La pauvreté s'accroît de manière exponentielle. Deuxième guerre mondiale, la France demande ton aide. Tu te sacrifies pour elle, la sorte de la défaite. Aujourd'hui, vois comment elle t'a récompensé. Après cette servie de nous, ils veulent nous expulser. Africa t'a combattu aux côtés des Français. Aujourd'hui, vois comment elle t'a récompensé. Le diable blanc a fait couler ton sang pour tes gisements de pétrole et tes mines de diamant. Ta terre a complètement été dépouillée. Ils en parlent plus, disent que c'est de l'histoire oubliée. Pas question d'oublier ce terrible passé. Issu d'un peuple qui ne veut plus se plier.